Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guémozo 107FM. Nous sommes le jeudi 9 décembre 2021. Nous sommes bien sûr en direct, il est un peu plus de 14h, il est 14h01, presque 02 même. Nous sommes un petit peu en retard, mais c'est pas bien grave. C'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre. Et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont, Oriana Depuiset des céleris Yunada à Vanier, qui est là du coup pour nous parler des céleris et de tout ce qu'elle fait. Donc bonjour Oriana. Bonjour. Comment ça va ? Eh ben, je vais bien, merci beaucoup. Parfait. Donc, nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots ? Eh ben, moi, je m'appelle donc Oriana Depuiset, j'ai 23 ans et je fais de l'artisanat et du commerce de matériel d'équitation, donc à Vanier. Voilà. De toute façon, on va développer ce sujet pendant toute cette heure d'émission. Voilà, tu m'as dit en amont de cette émission que tu es un petit peu stressé, c'est ta première oui, fois. Oui, c'est ça. En direct. Mais ça va le faire ici, on est bien à Radio Guémozo, ne t'en fais pas. Donc, comme annoncé à l'instant et comme tu viens de le dire, tu travailles dans une boutique appelée Céleri Yudada à Vanier. C'est ça, exactement. Donc, c'est une boutique que j'ai créée il n'y a pas très très longtemps, en mars de cette année. Avant ça, en fait, je travaillais déjà en itinérance. Donc, ça fait depuis décembre 2018 que je travaille donc en itinérance. J'expose sur des marchés. Puis après, j'ai fait surtout les concours d'équitation. Et donc j'ai fait beaucoup en itinérance. Et puis après, j'ai commencé à revoir un petit peu les mêmes personnes. Et puis, comme tout le monde, on a eu le confinement. Ça a été une période assez compliquée. Et à la sortie du premier confinement, bon, j'ai emprunté un local à ma maman sur Vanier. Et j'ai monté et démonté ma boutique tous les mercredis, tous les samedis. De manière à pouvoir proposer aux gens déjà une première petite boutique. Ça a bien pris. Et de là est venue la possibilité et l'envie de créer une boutique en fixe qui soit ouverte tout le temps. Et c'est comme ça qu'est née la céleri Yudada à Vanier. Voilà, donc comme tu viens de le dire, les mercredis et samedis, donc du coup je suppose que c'était en alternance avec tes cours. Non, pas du tout. C'était en fait, c'était simplement que le local qui m'était prêté, c'est le cabinet de pédiatrie de ma maman. D'accord. Donc forcément, il fallait que ce soit les moments où elle ne consulte pas. Il fallait qu'on fasse une désinfection complète de tout, qu'on installe tout. On montait et on démontait tout comme en concours. Et c'est physiquement très fatigant. Donc on le faisait déjà 2 jours par semaine. C'était les jours où elle consultait pas. Et c'était déjà énormément de travail. Hein. C'était 2h30 de montage, 2h30 de démontage. Donc maintenant, on est très content d'être en fixe, de ne plus avoir tout à démonter et à remonter. Bien sûr. Donc en fixe, donc c'est à Vanier, c'est 11 rue Robert Claudel. Exactement. Voilà, c'est anciennement, s'il y a des Voinraudes ou des Voinraudes qui nous écoutent, anciennement Balthazar. C'est ça, anciennement Balthazar Décor, tout à fait. Voilà, donc c'est là que la céleri Yudada est placée. Du coup, maintenant, c'est ton local vraiment, c'est ton local professionnel, du coup. C'est ça. Ok. Et donc, justement, tu travailles du coup dans la céleri Yudada, donc pourquoi ce nom Yudada ? Eh ben, alors ça, c'est une question assez rigolote. Le nom vient du fait que j'ai fait japonais LV3 en seconde première terminale. Et moi, je m'étais choisi un prénom en japonais qui était Yu. Voilà. Okay. Et tous mes amis m'embêtaient. J'ai eu le droit, techniquement, à tous les noms, tous les surnoms où il pouvait y avoir du U ou du O ou quelque chose comme ça. Donc j'avais le droit à Yupi, Yudada parce que je montais à cheval. Donc j'ai eu le droit à tous ces noms composés là. Et du coup, je dis, mais vous rigolez, mais j'avais mon activité, j'ai dit, ça va s'appeler Yudada, voilà, c'est comme ça que c'est né. D'accord, donc du coup, tu as fait japonais LV3, ce qui expliquerait peut-être les 3 pauses musicales que tu m'as soumises. Exactement. Que nos auditrices et auditeurs découvriront plusieurs fois, 3 fois dans cette émission. Donc justement, personnellement, quand je t'ai contacté pour faire cette émission, je pensais que c'était que Yudada, c'était dû à ce qu'on pourrait dire quand on est à cheval, en mode Yudada. Exactement, mais c'est le trait qui a été fait. Hein. C'était vraiment, je voulais un nom qui soit à la fois à mon image, donc dans lequel il y a mon prénom entre guillemets d'adoption. Mm-hmm. Donc c'est à mon image, c'est ça se prend pas trop au sérieux, et moi j'ai tendance à fabriquer, quand je fabrique en tout cas, des choses qui sont vraiment qui sortent de l'ordinaire, qui sont colorées, qui sont originales. On peut aussi faire des choses tout à fait sobres, etc., mais moi, dans ce que j'ai tendance à proposer naturellement au public, ça va vraiment être des choses qui vont être colorées et originales. Donc je voulais quelque chose qui se prenne pas trop au sérieux, qui soit rigolo et qui marque. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment fait le choix de garder ça, même si ça pouvait paraître un peu enfantin. Bon. Et donc du coup, je voulais te demander si la boutique Yudada a toujours été au même endroit. Du coup, oui, depuis. Oui. Bah du coup voilà, en fait ça a été d'abord Vanier et ensuite Vanier 200 mètres plus loin. Voilà. Nickel. Et donc combien de temps cela t'a-t-il pris pour monter, on va dire, cette boutique actuellement en tout? Et ben le en termes de cheminement ou en termes vraiment Les deux. Eh ben, en termes de cheminement, bah voilà, moi j'ai eu mon bac en 2016. D'accord. Je montais déjà à cheval. Ok. Voilà, je montais à cheval depuis 2014. Et puis en fait, je me suis aperçue que je pourrais pas passer le diplôme que je voulais passer pour travailler dans les chevaux. Et donc du coup, je me suis dit, ben là, le truc c'est que le cheval c'est mon monde, c'est là-dedans que je veux travailler. Et il a fallu du coup que je trouve autre chose. Et du coup, j'adorais le matériel, j'adorais créer, j'adorais tout cet univers-là. Donc du coup, je me suis dit, ben, je trouve pas ce que je veux en sellerie, je trouve pas les couleurs que je trouve pas les motifs que je veux, donc je vais fabriquer. C'est comme ça que ça a commencé. Le truc, c'est que je savais pas coudre. D'accord. Donc ma tante est venue, elle fait un peu de patchwork, donc elle m'a montré comment fonctionnait une machine à coudre. Voilà. Mmh. Et au terme du week-end, bah voilà, ça a été à moi. Et donc du coup, de 2016 à 2018, j'ai un peu, j'ai appris, hein, seul, mais j'ai appris, j'ai testé des modèles, j'ai fait tout ce qu'on fait quand on veut créer un produit et qu'on part de zéro. Donc j'ai designé, créé, testé. Puis bah voilà, en 2018 ça a été bon, donc 2018 j'ai ouvert la micro-entreprise et on se retrouve en 2021 à faire évoluer la micro-entreprise en société et donc du coup en fait de 2016 de 2016 à maintenant quoi. Et après c'est un projet de toute façon qui est en constante évolution, donc ça ne s'arrête jamais. D'accord. Donc du coup tu as tout appris presque en autodidacte, donc grâce à ta tante. Oui, tout à fait. Donc du coup 23 ans et chef d'entreprise. C'est ça. Voilà. Et donc du coup dans cette boutique il y a donc de la sellerie, mais il y a aussi de la bourrellerie. Qu'est-ce que c'est? Non, pas tout à fait. Okay. On n'a pas. En fait, la bourrellerie, ça va vraiment concerner tout ce qui est le cuir, le travail du cuir. Moi, je fais vraiment du textile, c'est-à-dire que j'ai fait une formation pour travailler le cuir, mais il faut plus d'expérience que ce que j'ai. La formation que j'ai suivie était un peu trop courte. C'était une formation de 35 heures, donc c'est un peu trop court, et je ne veux pas m'avancer à fabriquer des choses en cuir que je ne saurais pas faire de suffisamment bonne qualité. D'accord. Donc j'ai encore un petit peu de travail, ça me trotte dans la tête quand même parce que j'adore travailler le cuir, mais je ne veux pas me lancer dans quelque chose que je ne dominerai pas complètement. Donc on trouve disons qu'on va trouver vraiment l'équipement en cuir, de la selle, etc., mais ce ne sera pas moi qui les aurai fabriqués. Ok. Voilà, moi je me cantonne vraiment au textile parce que ça je le domine. Ok, donc du coup, de la sellerie, peut-être de la bourrellerie à l'avenir, voilà. Mais pour l'instant, tu restes du coup sur la sellerie, voilà, exactement. Textile, etc. Et donc, ma question rhétorique, elle tombe sous le sens, je crois que ça s'appelle une lapalissade en français. Mais j'imagine que pour monter une boutique en rapport avec l'équitation, il faut être passionné d'équitation. Ah bah oui, c'est obligatoire, si vous n'êtes pas passionné, c'est mort. Il faut être super accroché, c'est comme ça on se dit que ça va être simple, qu'il va falloir juste ouvrir le magasin, sourire et montrer les articles et que les gens vont juste venir, et c'est pas du tout le cas. Il faut être hyper calé, faut pouvoir offrir un conseil, faut pouvoir, voilà, on est là d'abord parce qu'on aime le contact avec les gens, parce qu'on aime transmettre ce qu'on sait, parce qu'on aime conseiller et ouvrir le truc et attendre que ça se passe, c'est pas du tout suffisant. Il faut vraiment être à fond là-dedans. Voilà. Puis après, il faut se déplacer sur des concours, etc. Et c'est un travail qui est très prenant, très physique, parce qu'il faut déplacer tout le matériel. C'est lourd. Donc, il faut vraiment être à fond là-dedans. Il faut aimer, aimer et encore aimer, parce que sinon, ça ne le fait pas du tout. Bien sûr, j'imagine. Et donc, du coup, d'un point de vue familial, est-ce que tu es toi-même issu d'une famille d'écuyers ou de pratiquants d'équitation ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Mais je sais que j'aime les chevaux depuis que j'ai 6 ans. Ok. Une bête revue pour enfants avec des chevaux dedans. Ça racontait l'histoire des chevaux. Voilà, je peux encore le dire. Hein, l'histoire des chevaux de la préhistoire jusqu'à maintenant. L'évolution du cheval. Et je sais pas pourquoi, en lisant ça. C'est ça qui a tout fait démarrer et depuis que j'ai 6 ans, je vis cheval et je ne démords pas de ça. D'accord. Donc depuis l'âge de 6 ans, tu te dis plus tard je ferai ma vie dans ce domaine. Ouais, c'est ça. OK. Donc autant dire que tu n'es pas passé par différentes idées de métier par l'équitation. Bah après j'aurais pu bifurquer sur d'autres métiers, mais c'est toujours resté là. C'est toujours resté là, c'était toujours dans ma tête, c'était toujours là. Et voilà, j'ai fait d'autres formations, j'ai fait une petite formation de décoration d'intérieur. Et non, c'est toujours le cheval. Voilà. Le cheval, voilà. Et donc, cette question, voilà, peut-être que certaines personnes se posent la question. Un pratiquant ou une pratiquante d'équitation, c'est un équitant, une équitante, un jockey, un cavalier ? Un cavalier. Ça va dépendre du domaine. Je veux dire, quelqu'un qui va faire des courses, évidemment, ça va être un jockey ou un driver. Je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Parce que l'équitation, c'est composé de plein de mondes différents, finalement. Mm-hmm. Mais dans la majorité des cas, ça va être un cavalier. D'accord. Donc, tu gères la boutique Udada et tu es toi-même cavalière ? Exactement. Voilà. Donc, on en revient à la passion. Et donc, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, notamment grâce aux différents articles de presse que tu m'as envoyés en amont et sur ton site internet, j'ai eu l'occasion de lire que tu es également une amoureuse des couleurs et que tu es créative. Ah oui, oui. Est-ce que selon toi, ce sont des notions obligatoires pour pratiquer ton métier ? C'est alors la créativité, oui. Maintenant, on n'est pas obligé d'aimer la couleur. Moi, oui. Après, par contre, pour fabriquer, en tout cas, il faut être très créatif. Après, l'amour de la couleur, ça peut être un atout parce que on va pouvoir proposer plein de choses différentes aux cavaliers qui veulent venir. Donc, quelque part, ça va être un avantage. L'équitation, c'est un monde qui aime bien quand même rester sobre. Mm-hmm. Donc, ça peut être autant un avantage qu'un inconvénient. Voilà, parce que c'est vrai que naturellement, moi, par exemple, j'ai tendance à avoir beaucoup, beaucoup de couleurs, à la fois dans ce que je fabrique et dans ce que je rentre dans mon magasin. Après, voilà, il ne faut pas oublier non plus le côté très sobre de l'équitation qui est un sport où on a tendance naturellement à vouloir être classe, quoi. Voilà, sans rentrer dans le cliché non plus, parce qu'aujourd'hui, ça se modifie quand même énormément. Hein, voilà, on a de plus en plus de cavaliers différents qui veulent différentes choses. Voilà, mais c'est vrai que globalement, l'équitation, c'est quand même un sport où on a tendance à vouloir rester classe, rester assez sobre et voilà. Donc ça peut être l'amour de la couleur peut être autant un avantage qu'un inconvénient. Par contre, la créativité quand on fabrique, c'est indispensable. Bien sûr. Oui, parce que l'équitation, c'est une discipline quand même assez gracieuse. Oui. Voilà. Oui. En tout cas, c'est vrai que souvent c'est ce qui en ressort quand on parle avec des gens. C'est vrai que souvent c'est ça. Dans certaines disciplines, on va même jusqu'à faire le parallèle avec de la danse dans certaines disciplines. C'est voilà. C'est vrai que quelque part, bon, c'est un cheval, c'est un cavalier, c'est plein de codes, c'est plein d'apprentissages. Effectivement, on peut sans problème faire un parallèle avec de la danse. Mmh. Mais justement, ce bien-être animal, etc., qui te tient très à cœur. Très à cœur. Voilà, on en parlera après la première pause musicale que tu m'as soumise. Pour nos auditrices et auditeurs, vous allez voir, ça va être des sons qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, mais c'est ce qu'on aime ici à Radio Guémozo. Et nous allons du coup écouter le groupe de Visual Kei, je sais pas. C'est ça, si le Visual Kei, ouais. Visual Kei japonais, The Gazette, avec leur. Pardon, oula, je m'engorge. Avec leur morceau Blinding Hope, pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, et je sais que nos auditrices et auditeurs apprécient quand je le fais, s'ils veulent en connaître davantage. Cette chanson est sortie cette année, en 2021. Exactement. Elle est donc toute récente, elle est du coup typée Visual Kei. J'avoue d'ailleurs qu'avant que tu me proposes cette pause musicale, je ne connaissais pas ce style. Et voilà. Oui, c'est très, assez peu connu. Mais voilà, moi j'ai commencé le japonais grâce à ce style de musique. Ben voilà. Et du coup, c'est un titre tiré de l'album Mass de The Gazette. Voilà. Album sorti le vendredi 21 mai 2021. Voilà, je suis bien renseigné. Donc, tout à fait. Il s'agit d'ailleurs du 10e album studio du groupe. Eh oui. Donc du coup, on écoute The Gazette avec leur morceau Blinding Hope et on se retrouve juste après d'ici un peu moins de 5 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Guémozo. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo. Vous êtes bien sûr toujours en direct. Il est bientôt 14h21. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers car je sais qu'on nous écoute en Belgique, en Suisse, en Allemagne et même au Québec malgré le décalage horaire. Et vous venez du coup d'écouter The Gazette avec leur titre Blinding Hope et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Oriana Depuisé des Céleries Udada qui est là pour nous parler des céleries et de tout ce qu'elle fait. Ça va toujours ? Tout à fait. Parfait. Donc nos auditrices et auditeurs sont habitués, ils le savent, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale. Pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau en particulier ? Eh bien, pour la simple et bonne raison que... déjà parce que je l'adore. La deuxième raison, c'est que c'est très riche musicalement. En tout cas, je trouve. Quand on aime ce style-là, en tout cas. Le texte est incroyable. C'est un gros message d'espoir. C'est un peu une lutte contre le suicide. On sait qu'il y en a beaucoup du suicide au Japon et c'est un morceau japonais. Voilà. Et je trouve qu'en cette période Covid, c'est plutôt voilà, on sait qu'il y a pas mal de suicides parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux, ben je trouve que c'était plutôt bien. Voilà, c'est un gros message d'espoir, voilà. Tout simplement. Voilà, d'où le titre, donc Blinding Hope, qui se traduit en français par espoir, justement, aveuglant. Exactement. Voilà, un petit message d'espoir. Les autres pauses musicales, je ne sais pas trop si c'est des messages d'espoir aussi, tu nous en parles. Eh ben voilà, je vous en parlerai en temps voulu. Voilà, tout à fait. Donc on va reprendre du coup cette émission. Donc, une information quand même importante, nous l'avons dit, tu es situé à Vanier. C'est ça. Mais, j'allais dire où exactement, mais je crois que je l'ai dit là. Oui, 11 rue Robert Claudel. Voilà, pas loin d'une pizzeria. Oui, pas loin de la Flamme Gourmande. Tout à fait, voilà. Voilà. Et donc, on va du coup reprendre voilà, des questions plus sérieuses que je n'ai jamais posées, c'est quand même mieux. Et donc, l'équipement indispensable, donc, comme on l'a dit, c'est très important pour toi, le bien-être animal. Exactement. Et du coup, le bien-être du cavalier, est-ce que tu équipes le cavalier et du coup les chevaux? Voilà, le cavalier et le cheval. Et c'est vrai que on parle beaucoup en ce moment du bien-être du cheval, qui est bien sûr une priorité absolue. On ne peut pas faire sans. Mais par contre, c'est vrai qu'on parle pas toujours du bien-être du cavalier, et il est, en tout cas c'est évident que si le bien-être du cavalier n'est pas non plus respecté, il ne pourra pas être efficace à cheval et donc ne pourra pas respecter intégralement le bien-être du cheval. Voilà. Bien sûr. Et donc d'ailleurs le logo de Vudadas, tu t'es inspiré je crois d'un cheval nommé Lena. C'est ça, c'est ma jument, c'est ma première jument, et c'est une jument qui est pie, donc de deux couleurs. D'accord. Pour ceux qui ne pratiquent pas et qui ne connaissent pas, un cheval pie, c'est un cheval donc qui est de deux couleurs, qui a des taches. Et donc ma jument est pie et elle a une tache en forme de V sur l'encolure, et je trouvais ça sympa. Donc en fait, je l'ai dessinée et je fais une corne parce qu'on aime bien les licornes. Et voilà, c'est devenu mon logo. Voilà le logo, du coup, donc ton cheval, Lena. Et donc, combien de temps ça te prend pour réaliser une création? Car j'imagine que ça dépend de ce que tu fais, du coup. C'est ça, ça dépend de ce qu'on fait en moyenne sur un tapis de selle. Donc, c'est l'équipement qu'on va mettre sous la selle du cheval. En fait, ça va servir majoritairement à protéger la selle de la transpiration du cheval. Je dis principalement parce qu'aujourd'hui, le tapis de selle peut remplir beaucoup d'autres rôles, hein, comme amortir un petit peu les chocs ou des choses comme ça. Mais en l'occurrence, sur un tapis de selle, ça peut me prendre 6 heures si j'ai déjà tout préparé, donc tout découpé, préparé mes finitions, etc. Si j'ai rien préparé et que vraiment on part de zéro, qu'il faut tout que je fasse, tout, on peut mettre jusqu'à 12, 13, 14 heures. D'accord. Oui, donc ça représente quand même un certain temps et du coup de main-d'œuvre, etc. Oui. Et donc, en parlant d'équipement, quel est l'équipement indispensable pour le cavalier et pour son cheval pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles? Eh ben, alors pour le cavalier, parce que le cavalier c'est la réponse la plus évidente, un casque. Le casque, de toute façon, c'est la priorité. C'est le casque ou la bombe, d'ailleurs, on peut dire les deux. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment la priorité absolue. Il faut qu'il soit vraiment bien adapté, qui couvre bien la tête. On a des points clés vraiment à vérifier, parce que si on a un casque qui est mal adapté lors d'une chute, ben on va pas être bien protégé et on peut avoir des dégâts. Oui. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Ensuite, il y a certains cavaliers qui mettent un protège dos ou un gilet airbag ou des choses comme ça. Dans certaines disciplines, c'est obligatoire d'ailleurs. Je pense notamment au cross. D'accord. Où on saute des obstacles fixes, donc les barres ne peuvent pas tomber si le cheval se prend dedans. On est en extérieur, donc il peut y avoir des pierres, des branches, des troncs. Donc là, en l'occurrence, le protège-dos est obligatoire. Après, le mieux, c'est un pantalon qui soit adapté à la pratique, parce qu'en général, ceux qui connaissent et qui ont déjà fait monter en jean, c'est douloureux, hein, pour les jambes notamment. Et après, voilà, des chaussures également adaptées à la pratique de l'équitation. Et quand on dit adapté à la pratique de l'équitation, c'est obligatoirement avec un petit talon qui empêche le pied de rentrer complètement dans les trilles en cas de problème. D'accord. Voilà, parce que sinon, on peut rester coincé. Et si on tombe, on se fait traîner. Il y a plusieurs cas de décès par an dans le monde à cause justement du fameux pied qui reste coincé dans les trilles. Eh oui. Voilà. Alors après ça, pour monter en toute sécurité, Moi, j'ai tendance à dire des bons étriers, où effectivement, on peut avoir des étriers de sécurité, mais ça, je ne sais pas dans quoi le classer, si c'est plutôt dans le cavalier ou plutôt dans le cheval, parce que le cheval, c'est sur sa selle, mais en même temps, c'est un outil qui est vraiment propre au cavalier. Donc voilà, donc moi, c'est toujours le truc, je ne sais pas dans le classer dans l'équipement du cavalier ou l'équipement du cheval. Mais ouais, des bons étriers aussi, parce que c'est vrai qu'on est en appui là-dessus. On est d'abord en appui sur le cheval, mais nos pieds sont dans les étriers, donc l'étrier est très important aussi. On a aujourd'hui des étriers de sécurité qui peuvent permettre d'éviter le fameux problème du pied qui reste coincé dans l'étrier. Ceci dit, c'est pas une raison pour prendre des risques en laissant la chaussure avec le talon. Après, qu'est-ce qu'on a? Pour le cavalier, je pense qu'on a fait à peu près le tour vers vraiment le basique sommaire. Pour moi, c'est ça en tout cas. Enfin, en tout cas, voilà, quand quelqu'un débute l'équitation et vient nous voir en disant voilà, qu'est-ce qu'il faut, déjà un casque, un pantalon, des chaussures, déjà première chose. Après, parfois un gilet de protection, ça dépend. Pour le cavalier, c'est très très variable. Pour le cheval, pardon, c'est très très variable. C'est très très variable. Ça dépend des chevaux, ça dépend des pratiques. Dans tous les cas, ça va commencer par une selle adaptée à son dos, et on a autant de chevaux que de morphologies différentes, donc c'est pas une mince affaire. Mais une selle adaptée. Après, un filet ou bridon. C'est pareil, y a les deux termes. C'est le harnachement qu'on met donc sur la tête du cheval pouvoir le monter. Un licol, ça c'est quand on le monte pas, donc on n'a pas de possibilité de mettre un mordant dans sa bouche. Après un tapis de selle en général, avec une selle 100% adaptée, on pourrait se passer d'un tapis de selle. Néanmoins, maintenant on préfère quand même mettre le tapis de selle dans 99% des cas, parce que c'est vrai que ça rajoute quand même un confort au cheval. Après, il y a certains chevaux qui nécessitent des amortisseurs, c'est-à-dire c'est une pièce qu'on va rajouter entre le tapis de selle et la selle qui a pour but principal en fait d'amortir les chocs quand on va monter à cheval, mais qui peut aussi avoir un rôle, par exemple, si on sait qu'on a une selle qui n'est pas 100% adaptée à son cheval, ça peut réduire des points de pression qui vont être pas très bien répartis. Bref, donc ces amortisseurs-là, il y en a de plein de types différents, et voilà, ça va se placer entre le tapis de selle et la selle. Il y a des chevaux qui en ont besoin, des chevaux pas du tout. Et puis après, on peut avoir des protections au niveau des membres, tout va dépendre en fait du cheval, et c'est pour ça que c'est très compliqué de répondre à cette question, parce qu'en fait il faut prendre au cas par cas. Autant un cavalier, casque, pantalon, chaussures, c'est juste indispensable, et ça ce sera pour tous les cavaliers. Autant le cheval, ça va vraiment dépendre à 2000% du cheval, et du cheval uniquement. Faut vraiment faire du cas par cas, faut pas se cantonner à au principe de base, quoi. C'est vraiment en fonction du cheval et du cheval uniquement. D'accord. Oui, parce que justement, il ne faut pas prendre du coup toutes ces protections à la légère, parce que il y a un exemple qui me vient en tête. Je ne sais pas si tu connais le célèbre acteur Christopher Reeve. Non, comme ça, non. C'était celui qui a incarné le premier Superman dans 4 films, le héros Superman. Il est, à la fin de sa vie, donc on en profite pour saluer sa mémoire, il était sur un fauteuil roulant suite à un accident de cheval, justement. Il est tombé de son cheval, et après, il s'était cassé la colonne vertébrale, je crois. Oui. Et du coup, il a fini sa vie sur un fauteuil roulant. Malheureusement, donc, du coup, les équipements sont importants être... Et c'est très très important. J'ai moi-même fait une chute comme ça qui aurait pu aussi me coûter mes jambes. D'accord. En fait, c'est bête, mais j'aurais porté un protège-dos ce jour-là, j'aurais pas eu tous les ennuis que j'ai eus. Par la suite, le cheval s'est arrêté, il a pas voulu sauter un obstacle. Voilà. C'était de ma faute, on va pas se mentir, on fait tous des erreurs quand on est cavalier, et quand on apprend encore plus, on en fait toujours toute notre vie, mais quand on apprend encore plus... Le cheval s'est arrêté, il n'a pas voulu sauter l'obstacle. Moi, je suis tombée, tête la première. Et je ne sais pas pourquoi, je suis restée... ma tête a heurté le sable tellement perpendiculairement que mon corps est resté comme ça. Mes jambes ont basculé en arrière. Donc, le sens qu'il ne faut pas plier le dos. Bien sûr. Et là, j'aurais vraiment pu perdre mes jambes. En fait, j'ai toujours mes jambes parce que je suis hyper laxe uniquement. Parce que du coup, sinon, j'aurais pas été hyper laxe, j'aurais plus mes jambes. Ouais, donc comme quoi les équipements. Mais justement, en parlant d'équipements, la petite spécificité, que tu fais chez Udada, du coup, c'est que tu fais des pièces personnalisées. Tout à fait, c'est ça, des pièces personnalisées. On peut demander ce qu'on veut dans la limite du réalisable. Voilà, après, en termes de couleurs, etc., on n'a pas franchement de limite. Enfin, si, voilà, les tissus qu'on va pouvoir trouver de qualité suffisante pour être utilisés dans la conception d'un tapis de selle, parce que l'équitation, ça use les pièces. Il faut quelque chose qui soit suffisamment résistant pour endurer des heures de pratique. Moi, j'ai horreur du gaspillage en plus, donc j'ai vraiment tendance à prendre des tissus qui soient très très très costaud. D'ailleurs, je garantis mes pièces. En fait, je suis en train de travailler sur un certificat de garantie, de sorte que mes tapis de selle soient garantis pendant un an. C'est-à-dire pendant un an, si y a un tissu qui craque ou quelque chose, dans des conditions normales d'utilisation, on va pouvoir me le ramener, me le réexpédier, et moi je pourrai le réparer gratuitement. Voilà, en tout cas dans des conditions normales d'équitation. Ça va permettre d'éviter de gâcher parce que voilà, moi ma démarche au départ de fabriquer moi-même, c'est venu d'un désir d'arrêter de commander des trucs à l'autre bout du monde. Mm-hmm. Ou en tout cas quand on peut le faire, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut pas s'en passer, mais en tout cas quand on peut le faire, voilà. Et du coup, j'ai vraiment horreur de gâcher, j'ai horreur de tout ça. Donc je veux que quand on a voulu commander une pièce qui en plus nous tient à cœur, je veux vraiment qu'on puisse la conserver un bon moment. Bien sûr que tu es du coup engagé dans le bien-être animal, mais du coup aussi dans la préservation de notre planète Terre. Ah oui, c'est quelque chose qui me tient très très très à cœur aussi. C'est quelque chose qui me tient très à cœur. Si on peut trouver des marques made in France ou carrément encore plus locales, ou au moins made in Europe, c'est toujours des marques qu'on va privilégier par rapport à d'autres. J'aurais pu rentrer plein de marques pour. On a des tas de produits de soins qui sont également spécifiques aux chevaux. Et j'aurais pu rentrer plein de produits de soins pour les pieds, mais en priorité, j'ai voulu rentrer une marque qui est fabriquée en France. Mmh. Par un monsieur qui est meilleur ouvrier de France en maréchalerie en 1993, par ailleurs. D'accord. Donc, c'est vraiment. C'est de la très très bonne qualité, c'est made in France, et ils ont poussé le truc jusqu'à même les contenants et les étiquettes sont made in France. C'est eux qui mettent en pot, etc. Donc c'est artisanal, 100% made in France, et c'est ce type de marque là qu'on va chercher à rentrer en priorité. C'est vraiment le plus local possible. Voilà, après encore une fois, on peut pas non plus être extrémiste, on peut pas tout faire en made in France, malheureusement à l'heure actuelle c'est plus possible. On espère qu'avec le Covid ça se sera amené à changer, hein, puisqu'on a réalisé qu'on pouvait pas tout faire en mondialisation. Bien mais sûr. Voilà, peut-être que ça va changer avec le Covid, mais voilà, pour l'instant en tout cas on peut pas tout faire, mais pour tout ce qui est possible en tout cas on va essayer tant que faire se peut de le privilégier. Voilà, du made in France, ouais. Le plus possible. Donc il va être 14h36. Avant de poursuivre cette émission très intéressante, je te propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale que tu as choisie une nouvelle fois. Oui. Et que nous écoutions cette fois-ci le groupe de metal symphonique et Visual Kei, japonais, le groupe appelé Versailles, avec leur morceau intitulé Serenade, on va dire à la française. Voilà, c'est une sérénade. Une nouvelle fois, au niveau des clics références, c'est donc un groupe japonais, même toi qui me l'as dit, c'est un groupe japonais qui adore la culture française. Oui, ah oui, qui sont gros gros fans de culture française. C'est pas pour rien que ça s'appelle Versailles par ailleurs. Voilà, c'est un titre sorti en 2009 et ce morceau est tiré de l'album Jubilé de Versailles, aussi appelé, ils ont aussi un autre nom, The Philharmonic Quintet. Oui, tout à fait. Aux États-Unis. Donc cet album, donc du coup, Jubilé, est sorti le mercredi 24 juin 2009. Donc on écoute Versailles avec Sérénade et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Donc à tout de suite d'ici quand même 6 minutes quand même. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Yeah. une jolie sérénade de la part d'un groupe japonais qui porte un nom français. Voilà, donc vous êtes de retour, vous êtes toujours en direct bien sûr, il est 14h presque 43 et vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radioguemozo.radio-website.com/partout-en-France et vous venez d'écouter Versailles du coup avec leur titre Serenade et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Oriana Depizet des Céleri Udada qui est là pour nous parler de tout ça. Est-ce que tu passes un bon moment notre compagnie Oriana? Oui, tout à fait. Parfait. Donc même question que pour la première fréquence musicale, pourquoi ce morceau? Alors celui-là pour le coup, parce que j'aime bien et que voilà, je n'ai jamais su si j'allais essayer de le jouer plutôt au violon, à la guitare, à la basse, ou le chanter. Voilà, c'est un morceau que j'aime beaucoup musicalement. Voilà. Après c'est une chanson d'amour, mais bon, ça je m'en fiche. D'accord. Et puis justement, là je crois que j'avais la pochette de l'album sous les yeux, c'est un petit chérubin qui porte une rose rouge. Oui. Voilà, le petit album, c'est sympa. Voilà. Et d'ailleurs, je me demande si la pochette, c'est pas le chanteur lui-même, qui est assez âgé maintenant, mais qui s'acharne quand même toujours à conserver une apparence de mec qui en a 25, quoi. D'accord. Bah écoute, je ne sais pas non plus. Je ne connaissais pas ce groupe à part de nom avant que tu m'envoies cette musique. Mm. Donc voilà. Et donc depuis, j'allais te demander, on en a parlé un petit peu en début d'émission, est-ce que depuis ton enfance, tu t'es toujours dit plus tard, je travaillerai avec les chevaux et dans le monde de l'équitation? Eh ben, avec les chevaux, oui. Et vraiment, initialement, c'était vraiment le projet. Moi, je voulais vraiment faire de la compétition. C'était vraiment ce que je voulais faire. Bon, j'ai pas pu, malheureusement, petit souci avec mes épaules, notamment. C'était le but. Et puis, voilà, bon, quand il s'est avéré que je ne pourrais pas, je me suis redirigée là-dessus, voilà. Il faut, de toute façon, le cheval, c'est une discipline qui est pleine de surprises, pleine de rebondissements. On ne sait jamais ce qui va nous arriver. Et du coup, c'est bien d'avoir quand même un entre guillemets, plan de secours dans la tête au cas où tout ne se passerait pas comme prévu et qu'il faille faire autre chose. Donc voilà, le mien, ça a été ça. D'accord. Donc justement, tu en parlais avant la pause musicale, tu as horreur du gaspillage, etc. Et oui. Donc les acheteurs peuvent te commander certains articles que tu leur envoies du coup oui. Par courrier et que même là, grâce à cet envoi, avec cet envoi, il y a un côté économique, écologique et local. Oui, parce que mes envois, donc je fais beaucoup d'envois avec des cartons que je recycle moi-même de mes propres commandes, c'est-à-dire que les cartons qui sont en bon état et qui peuvent être réutilisés de mes propres commandes sur Internet, je les réutilise. Tant que faire se peut, il n'y a rien qui se perd. De la même manière, même tout ce qui est rembourrage, papier bulle, etc., ça vient aussi souvent de mes propres commandes. Après, je pense qu'on ne pourra pas rester éternellement avec seulement mes propres commandes, mais voilà, en tout cas, il faut savoir que tout ce que nous, on fait comme, familialement, tout ce qu'on fait comme commande, on va réutiliser tout. En tout cas, voilà, encore une fois, quand c'est en bon état. Les cartons que je suis obligée d'acheter, je me fournis dans une cartonnerie qui est locale. C'est-à-dire que je me fournis au papier carton du Moulin, qui sont à Éloi. Mmh. Si je ne dis pas de bêtises, qui sont situés à Éloi. Donc au passage, ils gèrent vraiment, ils sont au top, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Ils sont vraiment top. Et voilà, moi je vais là-bas, donc mon scotch, mes cartons, quand je peux pas recycler, ça vient de là. La cartonnerie du Moulin? Les papiers cartons du Moulin, ouais. Si je dis pas de bêtises, hein, que j'écorche pas leur nom, mais... Je l'ai déjà été en contact pour une émission qui s'est malheureusement pas faite avec la recyclerie du Moulin. C'est pas ça, non? C'est possible que ce soit ça, mais j'en suis pas sûr. Enfin, d'accord, c'est local, quoi, ça reste local. Oui, c'est ça, ça reste local. Et donc, du coup, est-ce qu'en faisant ça, en réutilisant les cartons de tes propres commandes, etc., tu as aussi cette volonté de dénoncer certaines choses ou de faire bouger certaines choses? Alors, dénoncer, non, je n'aurais pas cette prétention, même si clairement, il y a certaines choses qui m'énervent hein, dans la surconsommation qu'on a à l'heure actuelle. Mais dénoncer, non. En revanche, essayer de faire bouger les choses, ouais. Essayer de faire bouger les choses parce que je trouve que c'est important. On n'a qu'une planète, on n'a qu'une vie. Mmh. Et c'est important de faire bouger les choses et de les faire bouger maintenant, pas dans 10 ans. C'est, voilà, le point charnière où soit la planète, on la bousille et ce sera définitif, soit on arrive à revenir en arrière, c'est maintenant, c'est là tout de suite. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Et c'est ça que c'est enfin voilà, en tout cas si je, à défaut d'arriver à soulever des montagnes et à faire bouger tout le monde, si au moins moi ma petite action à mon échelle elle peut compter, ben ce sera toujours ça de prix. Donc c'est j'estime ça de mon côté en tout cas indispensable. Après j'irai faire de leçons à personne, chacun vit sa vie comme il l'entend, c'est pas le souci, mais en tout cas moi à ma petite échelle personnelle, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Mmh. Et donc, en tant que chef d'entreprise, ne pas faire comme un célèbre site de vente en ligne qui font des gros cartons pour un tout petit article. Oui, non, voilà, ça par exemple, ça m'énerve. Voilà. On ne citera pas le nom, mais je pense qu'on sait tous de quelle boutique, de quel site en ligne je veux parler. Voilà. Et donc, est-ce que, avec Udada, je vais y arriver, tu as du coup une autre boutique sur Nancy ? C'est ça. En fait, j'ai eu l'occasion de racheter Caval Affaires, donc qui est une boutique qui fonctionnait quasiment à 100% en déstockage. Je maintiens cette partie déstockage. Cette partie déstockage, en fait, elle m'intéresse parce que ça permet de ne pas destiner à la poubelle des tas d'articles qui ont été produits, justement, avec la surproduction, surconsommation. Avec ce principe-là, ça permet de ne pas les mettre à la poubelle. Donc ça, pour moi, c'est très très important. Donc on continue à fonctionner en déstockage, même si voilà, j'ai repris en ayant en tête effectivement toujours de remettre mon empreinte avec mon Made in France, mon artisanat. Je n'en démords pas, je n'en démordrai pas. voilà, donc j'ai repris. Dans cette optique-là, voilà. Et donc, du coup, à Vanier, on commence aussi à avoir un petit peu des articles en déstockage. Voilà. Moi, j'ai vraiment ces deux aspects qui m'intéressent. Déjà, on a des tarifs qui sont assez intéressants. L'équitation, c'est un sport qui est très cher. Donc, ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément trop les moyens de pouvoir pratiquer leur passion en essayant de se ruiner peut-être un petit peu moins. Voilà, en plus, on a vraiment un impact écologique important. Quand on va brûler des articles qui ont été produits, c'est bien parce que ça a coûté à la planète au niveau production, ça a coûté à la planète quand on les a détruits puisqu'on les brûle, donc au niveau des émissions de CO2, c'est n'importe quoi aussi. Donc voilà, vraiment, sauver ces articles de la poubelle, c'est quelque chose qui est capital, mmh. Voilà, qui est important. Et c'est pour ça qu'on est fiers, on est fiers de pouvoir, voilà, à la fois jouer pour la planète et en même temps proposer des articles à prix un petit peu moins important à des cavaliers qui en ont besoin. Ou même qui n'en ont pas besoin, mais qui veulent se faire plaisir. Parfois, ça arrive aussi. Et donc, pour gérer cette boutique à Nancy, j'imagine que tu as une salariée avec toi. Et en fait, on est maintenant une petite équipe de 4 en me comptant. Donc, d'accord. J'ai une jeune fille qui est en alternance avec moi, donc sur le site de Nancy. Donc avec qui ça se passe très très bien. Et sur la boutique de Vanier, on a notamment mon jeune frère qui est salarié avec moi et mon beau-frère, voilà, qui travaille donc également avec moi et qui m'aide à gérer, parce que voilà, deux boutiques, c'est plus un site internet, c'est impossible, oui, à gérer seul, c'est pas du tout possible. Voilà, au bout d'un moment, on peut pas se démultiplier. Donc voilà, donc maintenant on est une belle petite équipe de 4. Bah écoute, j'allais te vous voyer alors quoi. Écoute, pourvu que ça dure, écoute. Et donc, avec les céleries Udada, est-ce que tu as déjà été sollicité par des écoles d'équitation ou pourquoi pas des organisateurs de compétition pour faire une sorte de collaboration ? Alors, nous, on essaye d'en faire de temps en temps. Après, ben voilà, les termes se discutent avec chacun. Chacun propose en fait ce qu'il veut. On a quelques partenariats à l'heure actuelle avec certaines structures. Voilà, et voilà. Après, nous, on est voilà. Ce qui se fait souvent, c'est qu'on se déplace sur les concours. Sur les concours, beaucoup. Voilà. c'est beaucoup ce qui se fait. Après, on a des partenariats un peu divers. Vraiment, ça dépend des possibilités des gens et des des problèmes, entre guillemets, problématiques qu'on rencontre. Enfin, voilà, ça dépend de comment on veut travailler, pour résumer. D'accord. Et donc, est-ce que l'équipement du cavalier et du cheval peut changer en fonction de ce qui est fait ? Par exemple, est-ce qu'un cavalier qui va faire un concours devra avoir un autre matériel que celui utilisé pendant les entraînements, etc. Oui. Et la réponse est oui, malheureusement. tous les cavaliers qui m'écoutent penseront au pantalon blanc. Le pantalon blanc quand il pleut et que la carrière est trempée et soit qu'on tombe ou alors tout simplement qu'on prend les éclaboussures qui sont provoquées par les pieds qui se posent dans le sable bien mouillé. Voilà, on a tous connu le pantalon blanc qui est irrécupérable après une chute dans une flaque. Voilà, ça c'est le cauchemar des cavaliers. Bon, il y a des astuces hein, pour récupérer les pantalons blancs, mais, mais tout le monde ne les connaît pas. Donc voilà, c'est... Voilà, on a vraiment des équipements qui sont spécifiques en concours. Bon, après, à certains niveaux, ce fameux pantalon blanc n'est pas obligatoire, mais en général, on aime bien quand même le porter parce que voilà, on est vraiment dans l'ambiance concours. On est trop fiers, on va présenter notre travail avec un cheval ou un poney qu'on monte et voilà, et on est trop trop fiers, donc on veut vraiment avoir notre équipement qui est spécial pour le concours. Donc voilà, en général c'est composé donc d'un pantalon blanc, de belles bottes ou avec des belles boots avec des mini chaps, on a une belle veste, alors type costume. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait la veste de concours d'équitation initialement c'est les vestes de costume des hommes. Voilà, c'est juste la veste de ville. D'accord. Des hommes avant. Et en fait, de ça, on l'a adapté progressivement déjà aux femmes, hein, qui sont faites de plus en plus nombreuses dans le milieu de l'équitation, et c'est bien, tant mieux. Mmh. Donc on l'a adapté aux femmes et à la pratique, hein, parce que l'air de rien, c'est l'équitation, c'est un sport d'extérieur. On est régulièrement sous la pluie, et quand on est sous la pluie, on aime bien ne pas être trempé. Donc maintenant, on a des matières techniques, des matières déperlantes, respirantes, élastiques, qui vont faire qu'on est 100% à l'aise dans nos mouvements, et où on va vraiment être bien. Et voilà. Et après, on a aussi le haut de concours, alors qui peut être blanc, qui peut être coloré, qui peut être à manches courtes, à manches longues. On a différentes formes de col. Enfin, bref, c'est l'équipement pour le concours, c'est encore toute autre chose que l'équipement pour tous les jours. On a vraiment c'est vraiment en général, je sais que en général les cavaliers, quand ils vont préparer un concours, ils vont être super contents de se mettre un peu sur leur 31, quoi. Donc là on retrouve encore le côté gracieux dont on parlait un peu plus tôt. C'est ça, voilà, le côté classe, le côté et donc une question aussi qui intéresse nos auditrices et auditeurs, j'en suis sûr, c'est celle des prix. Parce que tu l'as dit, l'équitation, c'est cher comme discipline. Oui. Donc, quelle est la fourchette des prix, plus ou moins, de ces articles ? C'est immense. D'accord. On peut trouver autant des choses à partir d'une vingtaine d'euros que des choses qui vont être... Ouais, des choses, ça peut être à 500, 600, 700 euros. C'est, voilà, c'est très, très, très variable. Ça dépend de la qualité qu'on cherche. Ça dépend de l'utilité qu'on en a. C'est-à-dire que la personne qui va faire un concours dans sa vie, elle n'a absolument aucune utilité de mettre très, très cher dans son équipement. Je sais aussi que, par exemple, j'ai des... Enfin, moi-même, je suis concernée d'ailleurs, des gens qui vont faire des concours, mais qui vont aussi vouloir utiliser leur veste de concours dans la vie de tous les jours, parce qu'on a certaines vestes de concours d'équitation qui passent totalement inaperçues dans le monde de tous les jours. Voilà, ça va juste passer pour une très belle veste. Voilà. Mmh. Voilà, tout va dépendre et c'est impossible de répondre à ces questions tellement c'est varié et variable. Voilà, rien que les casques, on peut trouver des casques à 35 euros et on peut trouver des casques à 1000 ou 2000 euros. Donc c'est énorme, c'est très vague. Et voilà, moi, la seule chose que je puisse dire, c'est que dans mes deux boutiques et sur mon site internet, j'essaye d'en avoir pour tous les prix, toutes les gammes. Voilà, autant la personne qui va faire un concours, ça va être très occupant, qui va pratiquer en tout cas occasionnellement et qui va pas avoir besoin d'un équipement hyper pointu, hyper haut de gamme, que la personne au contraire qui va pratiquer tout le temps, qui va avoir besoin de cet équipement pointu et haut de gamme parce que ben les choses qui vont être de moins bonne gamme, ben ça va pas tenir pour l'utilité qu'ils en ont. Donc voilà, on essaye d'avoir de tout et pour tous les budgets. Mais répondre à la question du budget en particulier, c'est impossible, c'est beaucoup trop vaste. D'accord. Mais justement, tu as dit quand même quelques prix. Si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs se disent « Ah ouais, mais c'est quand même un peu cher », on rappelle du coup, comme tu l'as dit, déjà que l'équitation, c'est une discipline qui coûte cher. Oui. Mais en plus, vu que dans ta boutique, du coup, tu vends, donc ça fait que tu achètes les articles avant. Oui. Et vu qu'un commerce, c'est du droit en commerce... n'a pas le droit de vendre à perte. Et oui. Donc il faut que tu te fasses une petite marge. Voilà. Et oui. C'est pour ça que les prix s'expliquent plutôt bien. Voilà. C'est. Voilà. Bah déjà par ça et puis par le fait que je veux pas faire peur aux gens, mais il faut quand même se rappeler que l'équitation c'est un sport qui est dangereux. Hein. Bien c'est sûr. Dans les premiers sports avec le plus haut taux de mortalité. Il faut être conscient de ce risque, il faut les accepter. Mais tout l'équipement qui est créé pour ce sport-là est conçu, et particulièrement les équipements de sécurité, c'est conçu pour répondre justement à ce risque et pour minimiser le plus possible ce risque. Et c'est surtout à ça que ça répond. Voilà, les casques dont je parle, qui peuvent être à parfois 1000 euros, c'est des casques qu'on retrouve du carbone, du Kevlar dedans. Et oui. Et c'est des matières, voilà, en termes de perforation, en termes de déchaussement, en termes de résistance à l'écrasement, ça va être des articles qui vont être au top du top et qui vont protéger et tenter de préserver la vie humaine le plus possible. Et c'est pour ça qu'on a aussi parfois des tarifs qui peuvent paraître exorbitants, mais qui, au regard de tout ça, ne le sont finalement pas. Après, chacun a son budget, chacun a ses possibilités, mais voilà, on a ces prix en tout cas qui s'expliquent comme ça par il faut conserver de la sécurité, c'est indispensable dans une discipline telle que celle-ci. Bien sûr. Donc quand on t'écoute, on comprend que tu es passionné par ton métier. Ah oui, totalement. Voilà, par ta discipline. Mais qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Est-ce que c'est le contact avec les clients, la fabrication des différents articles proposés? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce qui me plaît le plus? Je crois que c'est le conseil à la personne. D'accord. Le conseil à la personne, partager des expériences. Voilà, et puis réaliser que on est tous cavaliers, on a tous les mêmes galères. Voilà, et puis après pouvoir partager le fait de dire ah bah voilà, moi j'ai fait ça a bien fonctionné, pourquoi pas essayer. Voilà, c'est vraiment ce conseil à la personne qui me plaît le plus, la possibilité de se déplacer sur des lieux de concours qui sont très beaux, on voit plein de beaux chevaux, on voit des très bons cavaliers. Voilà, ça, c'est plein d'opportunités. Que dire de plus? Voilà, on a la proximité avec le cheval, on a la capacité de les conseiller, les cavaliers, voilà. Des fois, voilà. Et puis pareil, voilà, quand on se déplace sur un concours, qu'on fait son stand, et que, une fois, j'ai eu un jeune garçon qui avait oublié son casque. D'accord. Alors ça, c'est le truc à pas oublier, parce que de toute façon, si vous avez pas de casque, vous montez pas. Bien sûr. Et le papa est venu nous voir en mode « faut un casque ». Tout de suite. Et le casque allait parfaitement, mais parfaitement. C'est exceptionnel. C'est un truc, on était ravis parce que vraiment, le jeune garçon, il était au top. À tel point d'ailleurs, il a gardé son casque toute la journée. Ça m'a fait beaucoup rigoler. Il a gagné ses 3 épreuves. D'accord. Et on se dit, on lui a sauvé son concours. Bien et sûr. Ça, c'est une sensation, vous pouvez même pas imaginer. On est trop contents. Ça nous fait hyper chaud au cœur de se dire, le petit, on lui a sauvé son concours. Parce que voilà, on a pu dépanner. Voilà, on a pu dépanner, on a pu faire plaisir. Voilà, c'est en fait, ça nous fait plaisir de se dire qu'on fait plaisir aux gens à travers l'achat qu'ils vont réaliser. Voilà, c'est vraiment le contact avec les personnes, le fait de pouvoir conseiller. D'accord. Donc nous allons dépasser un petit peu, mais c'est pas grave, il n'y a rien avant 16h, donc voilà, c'est. Et donc, du coup, avant de poursuivre et de conclure du coup cette émission, je te propose de nous lancer dans une troisième et dernière fréquence musicale de ton choix. Mais une oui. Nouvelle fois, et que nous réécoutions le groupe que nous avons écouté tout à l'heure. Voilà. The Gazette, avec leur morceau Remember the Urge, que l'on pourrait traduire en français par Souviens-toi de l'envie. Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, ce morceau, c'est plutôt typé rock. Il est sorti en 2011 et c'est un morceau qui bouge bien à nouveau. Donc, on écoute cette musique de The Gazette, donc Remember The Urge, et on se retrouve juste après pour la suite et à la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Une nouvelle fois, je suis un petit peu en retard. Voilà, parce que j'en profite, j'échange avec mon invité pendant la pause musicale. Donc du coup, c'était Remember the Urge de The Gazette sur Radio Guimauzo. Et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement, sur notre application Orange Radio et sur notre site internet. Et vous êtes toujours en direct, il va être 15h07. Et du coup, nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Oriana, de Puiset, des Céleri, Yudala. Tout est toujours bon ? Tout à fait. Parfait. Donc... la même question, t'es habitué désormais. Pourquoi ce morceau ? Et ben pourquoi ce morceau ? Pareil, parce que je l'adore, parce que je trouve pareil qu'il est assez riche musicalement, parce que j'adore ce morceau. J'adorerais arriver à le jouer, mais pour l'instant il est un peu compliqué. D'accord. Bah du coup il est voilà comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé mais qui mériterait absolument d'être abordé? Quelque chose qui mériterait absolument d'être abordé, et ben moi j'ai tout simplement envie de dire que voilà, l'équitation c'est un sport qui comporte beaucoup de risques, mais qui mérite absolument d'être connu parce que c'est un sport qui est merveilleux. C'est le seul sport individuel qui se pratique à deux. Avec le cheval, le vieux cheval doit être absolument capital, il doit vraiment être pris en compte. Voilà, c'est vraiment un très très beau sport, même s'il comporte énormément de risques. C'est un très beau sport. On a la chance aujourd'hui qu'avec tous les équipements techniques qu'on fabrique, on arrive quand même à diminuer ce risque. Voilà, moi c'est vraiment... voilà, le contact avec le cheval est formidable, le contact avec le cheval est... plein d'expériences, apporte, je trouve, beaucoup de sagesse. Et voilà, moi, c'est voilà, le cheval, c'est vraiment mon animal adoré. Voilà, et puis voilà, c'est un sport à tester. Et voilà, voilà. Ok, bah du coup, c'est ainsi que se termine cette émission. Mais juste avant, du coup, tu parles de le contact avec l'animal, que c'est important. Oui. Du coup, est-ce que tu dirais que, là, c'est pas dans ma trame, c'est une question qui vient de me venir en tête comme ça. Est-ce que l'équitation, ça peut avoir un certain côté thérapeutique ? Bien sûr, on fait de l'équithérapie. Hein. D'accord. On fait de l'équithérapie, ça aide énormément des personnes qui peuvent être handicapées, autant des personnes handicapées moteurs que des personnes handicapées mentales, ou tout simplement... des personnes en réinsertion sociale, des jeunes qui ont décroché parce que pour plein de raisons d'ailleurs, peu importe la raison finalement, mais des jeunes qui ont décroché, c'est une formidable aide à la communication. C'est un animal qui... Enfin voilà, moi j'ai tendance à voir que... C'est un animal qui n'est jamais conquis, c'est un animal qui n'est jamais acquis, c'est un animal pour lequel il faut toujours être... comment dire ça ? Voilà, faut être pas irréprochable, mais faut toujours être compréhensif, faut toujours se mettre à sa place. Et voilà, je trouve que c'est un animal qui oblige à s'adapter, qui oblige à être empathique, compréhensif, et c'est une excellente école de vie. C'est un joli message. Si nous voulons te suivre et suivre ton actualité, comment est-ce qu'on peut faire ? Eh ben, comment on peut faire ? Eh ben, on peut aller sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, voilà, Céleri du Dada, voilà. Et puis on peut aussi aller sur mon site internet, donc qui s'appelle yudada.com, qui va bientôt changer d'ailleurs, parce qu'on va essayer de faire une version un petit peu plus facilement navigable, un petit peu plus à jour également, parce que là, en ce moment, avec tout ce qui s'est passé, on a eu un petit peu de mal à le maintenir à jour. Donc le site internet, les réseaux sociaux, on peut également venir à la boutique tout simplement, donc c'est au 11 rue Robert Claudel à Vanier, et puis je crois que c'est tout. Voilà, je crois. Bah, si jamais les auditrices et auditeurs veulent venir te voir, c'est tous les jours de la semaine ? Eh ben, alors le lundi, le dimanche sont fermés. Bah, pour la simple et bonne raison qu'on est présent au concours et okay. que le lendemain on range. bah si, d'ailleurs, on peut me voir aussi sur les lieux de concours. Et puis après, mardi, mercredi, jeudi, avec le jeudi matin qui est fermé, vendredi et samedi. Ok, voilà. Toute la journée, du coup, à part le jeudi matin. Voilà, c'est ça. Ok, nickel. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite ? Eh ben, d'arriver à concrétiser les projets, qui sont nombreux, dont je ne parle pas, mais qui sont nombreux. Et puis... voilà, essayer de toujours bien conseiller les gens, et puis de garder l'envie de conseiller les gens. D'accord. Voilà. Bah pour tes prochains projets qui seront concrétisés, n'hésite pas à revenir vers nous pour qu'on refasse. Eh ben merci beaucoup, c'est très gentil. Avec plaisir, une petite émission, etc. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte ? Eh ben un dernier mot, merci beaucoup de m'avoir invité pour faire cette émission, voilà. Et le cheval, c'est trop génial. Tout simplement. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc cette fois, c'est à moi de te remercier, Oriana, d'avoir accepté mon invitation. Ah, merci beaucoup. Cette émission sera rediffusée demain, vendredi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook au début de la semaine prochaine. Et si tu veux, je pourrais même te l'envoyer par mail. Eh bien, volontiers. Merci encore. Pour que tu puisses la partager, etc. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guimauzo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Concernant la suite des programmes, retrouvez Gilou dans... Il y a 45 minutes à peu près, à 16h jusqu'à 17h30, ça sera pour les années bonheur bien sûr, c'est une émission consacrée aujourd'hui à la country québécoise volume 2. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 14h toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre dans laquelle je recevrai dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont Benjamin Claudel de Canacave à Remiremont. Voilà, donc merci de votre fidélité à Radio Guimauzo et du coup je vous dis à lundi. Donc salut et à lundi.